Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Mag, le podcast dédié à l'actualité des véhicules électriques, de la transition énergétique et des technologies d'Elon Musk. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé, avec des sujets passionnants et des débats essentiels. Restez avec nous pour découvrir les dernières nouvelles sur Tesla et le monde des véhicules électriques. Avant de commencer, une petite pause pour notre sponsor du jour, Charge Direct. Vous cherchez une solution de recharge rapide et fiable pour votre Tesla? Charge Direct est la réponse. Avec leurs bornes de recharge innovantes, vous pouvez recharger votre véhicule électrique en un temps record, que ce soit à la maison ou en déplacement. De plus, ils offrent un service client exceptionnel pour répondre à toutes vos questions. Faites confiance à Charge Direct pour vos besoins en recharge et roulez l'esprit tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web que nous mettrons en description, et maintenant, place à l'actualité. Pour commencer, parlons des accessoires indispensables pour les propriétaires de Tesla Model 3. Vous planifiez un long voyage cet été? La glacière de coffre est un must-have pour garder vos boissons et aliments frais tout au long de votre trajet. Nous avons comparé les meilleures options et avons sélectionné pour vous les modèles les plus performants et adaptés à votre Tesla. Des glacières avec des options de réfrigération avancée, des compartiments spacieux et une efficacité énergétique optimale. Vous ne regretterez pas cet investissement pour vos prochaines aventures. Passons maintenant à un sujet plus controversé, les nouveaux tarifs douaniers de l'Union européenne sur les véhicules chinois. Cette mesure vise à protéger les constructeurs européens face à la concurrence croissante des marques chinoises. D'un côté, certains estiment que c'est une décision nécessaire pour sauvegarder l'industrie locale. De l'autre, les partisans du libre-échange y voient une entrave à la concurrence et une possible hausse des prix pour les consommateurs. Quel est votre avis sur cette question? Pensez-vous que ces tarifs sont justifiés ou qu'ils freineront l'innovation et la compétitivité? N'hésitez pas à partager vos opinions sur nos réseaux sociaux. En parlant d'innovation, avez-vous vu la nouvelle vidéo virale d'une Tesla Model 3 sans rétroviseur? Cette vidéo a fait sensation sur Internet en montrant un prototype équipé de caméras à la place des rétroviseurs traditionnels. Cette technologie offre une meilleure visibilité et réduit la résistance aérodynamique, améliorant ainsi l'efficacité énergétique du véhicule. C'est un avant-goût de ce que pourrait être l'avenir de l'automobile avec des véhicules de plus en plus intelligents et efficients. Qu'en pensez-vous de cette innovation? Êtes-vous prêt à abandonner vos rétroviseurs par des caméras? En Europe, la Tesla Gigafactory de Berlin continue de faire parler d'elle. L'Agence d'État pour l'environnement a récemment donné son accord préliminaire à l'expansion de l'usine. Cela permettra à Tesla d'augmenter sa capacité de production et de répondre à la demande croissante en véhicules électriques. Cette expansion est une étape clé pour Tesla et pour la transition énergétique en Europe. Les retombées économiques et écologiques sont énormes, mais des préoccupations subsistent quant à l'impact environnemental local. Qu'en pensez-vous? Soutenez-vous cette expansion? Ou êtes-vous préoccupé par les effets sur l'environnement? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre sur Tesla Mag. Restez informés des dernières actualités et des tendances dans le monde des véhicules électriques. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous serions ravis de les entendre. À la prochaine. Et n'oubliez pas, chargez votre véhicule avec Charge Direct pour une expérience de conduite optimale. Merci à notre sponsor. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. À bientôt.